Vous attendez par la poste l'envoi d'un collier de perles $1 million. Mais, en ouvrant le paquet, vous trouvez des bonbons. Ma chère, il devient urgent de refaire le toit du palais. Mon ami, c'est évident, mais vous savez bien que notre budget ne nous permet pas de faire face à une telle dépense. Nous trouverons l'argent, je suis certain que nous pouvons réaliser certaines pièces pour faire face à cette obligation. Peut-on imaginer que le roi et la reine du Portugal vivent dans un palais qui prenne l'eau ? Vous avez raison, mon ami, répond la reine, mais j'y pense. Nous pourrions vendre le collier de perles que j'ai reçu de ma cousine pour notre mariage. C'est une pièce superbe, les perles sont parfaites. Mais vous savez que je n'aime guère le porter, sa forme m'engonce. On dirait que je n'ai plus de cou. Vendez-le. Excellente idée, ma chère. Ces perles vont nous permettre d'exécuter les travaux que le gouvernement nous refuse. Et c'est ainsi, en 1913, que le roi et la reine du Portugal vendent à la firme Milstein de Londres un magnifique collier de perles d'un Orient admirable en échange d'un bon nombre de millions d'escudos. En fait, $750 000 entrent dans les caisses royales. Mais Moïse Milstein, l'acheteur, n'entend pas conserver précieusement ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie. Il est commerçant tout autant qu'artiste et cherche un client suffisamment argenté pour lui racheter le collier en lui faisant faire un bénéfice honnête. Le duc de Cumberland, fils de la reine Victoria, serait intéressé et Milstein lui propose le collier moyennant la somme $1 million. Le duc réfléchit avant de débourser une telle somme. Après tout, peut-être la duchesse ou bien la dame à qui il destine le collier n'ont-elles pas, elles non plus, la forme de cou adéquate pour porter ce chef-d'œuvre. Si bien que Milstein recherche bientôt un autre client. Son agent de Paris, la maison Crémieux, lui signale qu'un autre acheteur serait peut-être intéressé, mais il faut bien évidemment lui faire voir le collier. Celui-ci, bien enveloppé dans un écrin, muni des sceaux en cire de la maison Milstein, est expédié non pas par un envoyé spécial, mais tout simplement en valeur déclarée par la poste. Les jours passent, la maison Crémieux fait savoir à Milstein que le client ne s'est pas décidé, et le collier reprend toujours par la poste le chemin de Londres. Il parvient à destination. Dès que le petit paquet arrive chez Milstein, le bijoutier l'ouvre. Il constate tout d'abord une anomalie. Il est bien scellé grâce à des sceaux de cire portant un double M, Moïse Milstein. Cependant, au lieu de porter 4 sceaux de cire de chaque côté de la boîte, le colis en comporte 4 d'un côté et 9 de l'autre. Quand M. Milstein ouvre le précieux envoi, il trouve à l'intérieur de l'écrin des bonbons d'un genre qu'on nomme perles de délices. La seule chose qui rappelle le collier nacré est la couleur des papiers d'emballage. D'autre part, le poids exact des sucreries vérifiées par les douanes anglaises est celui à l'origine des perles portugaises. Comme de bien entendu, la police est immédiatement alertée. La Sûreté française, puisque c'est de Paris que la maison Crémieux a réexpédié les perles, et la police anglaise, puisque c'est le service postal anglais qui, après le passage de la douane, s'est chargé de la transmission jusque chez Milstein des perles de délices. Les deux services travaillent de concert. Les perles étant d'autre part assurées par la grande compagnie Lloyd, les enquêteurs de cette société s'empressent aussi de se mettre en chasse. La presse se fait immédiatement et largement l'écho de ce vol sensationnel. Sait-on jamais? Ces bonbons sont faits à base de sucre de betterave. C'est un produit qu'on utilise plutôt sur le continent qu'en Angleterre, déclare l'expert des laboratoires chimiques. L'expert qui, de son côté, examine les sceaux de cire, constate une différence remarquable entre les 4 sceaux d'un côté du paquet et les 9 sceaux de l'autre extrémité. Les 9 sceaux sont plus clairs que les autres. En effet, chez Milstein, on a pour habitude de faire chauffer la cire avec une allumette, ce qui a tendance à lui donner un aspect un peu sale, de noir de fumée. Les autres sceaux semblent fondus à partir d'une cire plus propre, comme si on l'avait fait fondre dans une cuillère à l'abri du contact de la flamme. C'est une technique qu'utilisent les postes françaises. Ces deux éléments laissent à penser que le vol a bien été perpétré de l'autre côté du Channel par ces maudits mangeurs de grenouilles. La compagnie Lloyd offre alors, par voie de presse, une récompense de 10 000 livres à qui donnera un indice sur les malfaiteurs. Une lettre parvient un jour à Scotland Yard, elle est postée à Londres et dit en substance: Messieurs, je suis graveur professionnel. Il y a peu de temps, j'ai reçu la visite d'un homme qui m'a porté un modèle de sceau à reproduire. Tout me laisse à penser que ce travail pourrait être en rapport avec le vol des perles de la couronne portugaise. Pour des raisons de sécurité, je ne tiens pas à vous dévoiler mon nom, mais si ce renseignement vous intéresse, veuillez passer une petite annonce dans les colonnes de l'Evening News pour m'indiquer ce que je dois faire. Signé le graveur. Scotland Yard prend contact avec le graveur et établit une surveillance autour d'un pub. Cette taverne, d'après le graveur, est fréquentée par l'inconnu qui lui a apporté l'empreinte du sceau pour qu'il en exécute une copie. On repère enfin l'homme, on le suit. C'est un joaillier lui aussi, il se nomme Isaac Grunschild, et comme par hasard, sa boutique se trouve exactement dans la même rue que celle du fameux Moïse Milstein. La piste semble intéressante. Depuis la relation du vol dans la presse, et surtout depuis l'annonce de la récompense de 10 000 livres sterling offerte par la Lloyd, un peu partout dans le monde de la bijouterie, les esprits s'échauffent. Chacun guette autour de lui un indice intéressant. Et si on essayait de remonter la filière? Celui qui parle ainsi est un jeune bijoutier de Paris nommé Gilbert Bronstein. Il est en début de carrière, dynamique et aventureux. Et pourquoi pas? Répond son interlocuteur qui n'est autre que Jacob Wildenberg, lui aussi bijoutier, lui aussi parisien et cousin de Gilbert. J'ai une idée, fait Jacob. Ce qui fait la valeur de ce collier, c'est non seulement la qualité des perles, mais aussi le fait de leur réunion. Et de la perfection de l'assemblage. Je suis d'accord. Ce qui fait la valeur du collier, c'est le rapport entre la taille des plus grosses et la perfection de leur orient commun. Impossible de les déparier. Le collier est donc toujours entier. Du même coup, il est pratiquement invendable, sauf pour un amateur très riche. Voilà ce qu'on va faire, dit Jacob. Et suivant l'idée de Jacob, les deux cousins partent par le premier train en partance pour Anvers, où ils connaissent un certain nombre de spécialistes, cousins ou amis, qui tous travaillent dans la joaillerie. Une fois à Anvers, ils ont vite fait de répandre un bruit qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. « Nous connaissons, disent Jacob et Gilbert, quelqu'un qui serait susceptible de s'offrir le collier de la reine du Portugal. » Quelqu'un qui serait prêt à payer 500 000 dollars pour acquérir ces perles. Et si par hasard quelqu'un connaît quelqu'un qui saurait où se trouve le collier? Bien sûr, ils ne répandent pas ce bruit dans les commissariats de la police belge, mais plutôt dans les lieux fréquentés par le milieu des diamantaires et autres joailliers. Les résultats sont maigres. Les deux cousins n'obtiennent que de vagues rendez-vous dans des hôtels d'Anvers ou d'ailleurs. On leur demande pourtant un jour de se rendre à Londres pour y rencontrer quelqu'un d'important, et ils prennent le bateau. À Londres, ils finissent par aboutir dans la boutique de Grunschild, l'homme qui a fait confectionner le sceau. Celui-ci leur fait part de quelques informations nouvelles. Cette affaire est menée par Johnny Wimpet et Bob McAuliffe, que vous connaissez sans doute pour leur réputation. Les deux cousins acquiescent. Ce sont les insaisissables voleurs de bijoux qui semblent mêlés à toutes les grosses affaires. Oh, pas si insaisissables que ça, puisque la police les a déjà arrêtés pour plusieurs gros coups. Ce sont ces vols spectaculaires qui font leur réputation. Pour l'instant, ce sont eux qui détiennent les perles portugaises. Vous prétendez connaître un acheteur éventuel. Si c'est vrai, faites-le venir à Londres et il pourra examiner le collier à loisir. Les deux cousins, depuis qu'ils se sont mis en chasse, ont prévu ce moment. Et ils ont dans leur poche un pseudo-client. C'est un honorable bijoutier parisien nommé Georges Hirsch que l'aventure amuse et intéresse. Il accepte de courir le risque de cette rencontre insolite et douteuse. C'est lui qui joue le rôle de l'amateur malhonnête, prêt à débourser pour devenir l'heureux propriétaire des perles de la reine du Portugal à 500 000 dollars. C'est, rappelons-le, la moitié du prix proposé au duc de Cumberland. Rendez-vous est pris avec Grunschild à la station de métro londonienne British Museum. Gilbert, Jacob et Hirsch y font la connaissance de Wimpet et McAuliffe, les deux fameux voleurs. Au rendez-vous se trouve aussi présent un certain Paul Menders, un anversois, qui a assuré le contact entre les deux aventureux cousins parisiens et les malfrats britanniques. Tout le monde prend l'ascenseur, qui permet d'accéder au niveau le plus bas de la station. Les portes s'ouvrent, et surprise, haut les mains! Police, suivez-nous! Devant la porte béante de l'ascenseur, toute une troupe de policiers anglais est là, prête à intervenir. Car pendant toute l'enquête personnelle des cousins français, Scotland Yard, de son côté, n'est pas resté sans rien faire. De filature en filature, elle a fini par repérer les visites chez Grunschild de personnages nouveaux, aussi bien celles des cousins que celles des malfrats. Et elle intervient au meilleur moment, car Wimpet et McAuliffe ont dans leur poche les fameuses perles. C'est alors seulement, après avoir interrogé tout le monde et avoir fait le tri entre les bons et les méchants, qu'on comprend comment le vol a eu lieu. Écoutez bien. Grunschild, voisin de la bijouterie Milstein, je le rappelle, et confrère honorablement connu, a quelques mois auparavant eu vent de l'achat des perles. Il s'est ensuite tenu au courant des tentatives de revente du collier. Il est, par des indiscrétions, informé de l'expédition du collier à la firme Crémieux de Paris. Dès cet instant, il ne se pose qu'une question. Comment s'emparer du collier? En tant que bijoutier, Grunschild sait que ces objets de valeur sont simplement expédiés par la poste en valeur déclarée. et il connaît le postier, toujours le même, qui dessert sa boutique ainsi que la bijouterie Minstein. C'est dans la sacoche de ce postier, un dénommé Butterfield, que va transiter le précieux collier. Il suffit d'intervenir au bon moment. En attendant, Grunschild fait confectionner par le graveur, à partir d'une empreinte, un faux cachet Moïse Minstein. Hey, « Eh, mon brave, bon boire un petit verre, par le temps qu'il fait, ça vous fera du bien. Ah, vous êtes bien aimable, Monsieur Grunschild, par le temps qu'il fait, ça me donnera des forces pour finir ma tournée. » Grunschild vient d'offrir un petit whisky au postier Butterfield. Pour boire un bon petit scotch, pas besoin de bar ni de glaçon, il suffit d'un simple verre. Et pour que cela soit discret, ce petit whisky, lourd de conséquences, est offert dans le bureau même de Grunschild, contigu à sa boutique. Et tous les jours, pendant des semaines, Grunschild guette le passage de Butterfield. Tous les jours, il l'invite à venir déguster son petit whisky quotidien dans son bureau, à l'abri des regards indiscrets. Et cette patience finit par payer. Butterfield, mis en confiance, alléché par cet excellent alcool de grain, prend l'habitude, tous les jours ouvrables, de passer quelques minutes dans le bureau de Grunschild. Un verre à la main, il prend surtout l'habitude déplorable dans son métier d'abandonner sa sacoche et son contenu sur le comptoir de la bijouterie. Et chaque jour, à partir du moment où le collier doit revenir de Paris, réexpédié par la maison Crémieux, un complice jette un œil dans la dite sacoche. Un beau jour, les perles sont là, dans la sacoche, une jolie petite boîte revêtue de son adresse. Expéditeur maison Crémieux, Paris, destinataire maison Minstein, Londres. En un tour de main, le paquet est ouvert, les perles rares remplacées par les bonbons pour un poids strictement identique. Le cachet préparé par le graveur permet en une minute de remettre des sceaux qui ont toute l'apparence des sceaux confectionnés par les postes françaises, le tour est joué. Au bout du compte, les instigateurs de ce vol sensationnel, Wimpet et McAuliffe, se voient infliger 7 ans de prison. Grunschild en prend pour 5 ans. Munders, l'intermédiaire peu intuitif d'Anvers, se retrouve pour 18 mois derrière les barreaux. Butterfield, ah Butterfield, est immédiatement exclu du service des postes anglaises. Il paraît qu'il ne boit plus une goutte de whisky.